Section 14 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 14. Croquis d'octobre par Gustave Geffroy. Chapitre 1. L'habit de soie. Au début de chaque saison, les courriéristes de la mode prétendent être informés de la mort prochaine de l'habit noir. Oui, l'habit noir, en drap terne, à étroits revers, à longue ou courte basque, l'habit noir dessiné par Gavarni, et que porte si aisément le monsieur du premier acte d'Henriette Maréchal. Cet habit-là disparaîtrait. Il y a plus de 40 ans, qu'il sévit sur la vieille gaieté française, et quelques-uns de ceux qui se sont appelés tour à tour Gandin, Dandy, Fashionable, Lyon, Crevé, Gommeux, ont estimé qu'il était grand temps de jeter quelques variétés dans les plaisirs d'une société qui s'ennuie. De même que l'habit noir est proscrit l'habit rouge, qui, lui, n'a pas duré 40 ans, qui n'a rougeoyé que pendant un hiver, à la fin duquel il s'est éteint comme un incendie rapide. Pour l'habit bleu, il n'a jamais repris faveur. Il a été définitivement abandonné, avec ses deux rangées de boutons d'or, huissier de quelques ministères et administrations. Quelle couleur arborera donc le nouvel habit? Belle question! Le nouvel habit sera noir, comme l'ancien. N'allait-on pas croire que les habits multicolores pouvaient surgir et miroiter sur ces lustres, dans les salons parisiens, comme au temps du directoire? Allait-on espérer revoir les vêtements, vert pomme ou jaune serin, dont se parait Cadet Roussel dans les images d'Épinal qui ont réjoui nos enfances? Non, non, ça aurait été là se mettre en trop violent désaccord avec les agents des pompes funèbres, chargés, comme on le sait, de nous organiser des réjouissances de toutes les classes. L'habit sera noir, ou il ne sera pas. Toutes les tentatives qui voudront enfreindre l'immuable loi sont d'avance condamnées à l'avortement. L'homme d'aujourd'hui doit être vêtu de noir, ou de gris, ou de marron, ou de vert foncé, ou de bleu marin, comme il doit être coiffé d'un chapeau dit tuyau de poils, haut, dur et luisant. S'il n'y a rien de changé dans la couleur, c'est donc dans la forme du costume de soirée que les innovations vont être accomplies. Pas davantage. Les tailleurs qui ont inventé l'habit, la redingote, la jaquette et le veston sont bien incapables d'un nouvel effort et se borneront cette fois au seul changement de l'étoffe. Le drap va être remplacé par la soie. Voilà la grande nouvelle. La soie. Il n'y a que la soie. Légèreté, souplesse, élégance, toutes les épithètes qui ont servi autrefois au drap, maintenant dédaignées, vont être employées sur les prospectus des magasins et dans les comptes rendus des journaux. Le joli tissu ne nuira pas au teint des femmes, brillera dans l'atmosphère lumineuse, dessinera avec une exactitude audacieuse les dos, les côtes, les reins, les torses des danseurs. C'est à croire vraiment qu'un homme nouveau va se révéler aux jeunesses éblouies, que l'on mariait autrefois pendant des entr'actes, à des fins l'opéra comique. Pour le vieil habit, il est abandonné aux barbons et aux grisonnants qui ne veulent rien changer à leurs habitudes, au personnel des hôtels, des cafés et des restaurants, aux domestiques, et aussi à ceux qui, ne mettant un habit que 3 ou 4 fois dans leur vie, ne se résoudront pas volontiers à une dépense inattendue. Ce sont ces derniers surtout qui seraient atteints par l'ukase des tailleurs et des désœuvrés. L'habit cesserait de devenir l'uniforme démocratique, porté en haut, en bas, dans toutes les classes, dans toutes les occasions, par le président de la République recevant un nonce, par monsieur n'importe qui, se mariant devant monsieur le maire. Désormais, par le fait de l'habit de soie, il y aurait un ordre de privilégiés, à moins que l'habit de drap condamné ne triomphe de tout et de tous, ce qui est, en somme, bien probable. Les prétendus dandys qui rêvent une aristocratie de la toilette n'ont-ils donc pas compris l'inconvénient et la vulgarité en de semblables sujets, de coupes, de couleurs, de vêtements imposés, de décrets délibérés, de modes signifiés aux intéressés? La seule originalité consisterait, pour celui que ces questions passionnent, à inventer lui-même le costume qui convient à son esprit et à sa personne physique. À vrai dire, il devrait y avoir autant de costumes que d'individus. N'est-ce pas demander l'impossible, puisque les femmes, qui devraient être des autoritaires capables d'inventer et d'afficher des modes personnels, s'en sont remises au goût des couturiers et des couturières, et portent sans rébellion, et même sans réflexion, tout ce qu'on leur enjoint de porter, depuis la crinoline grotesque jusqu'à la hideuse tournure. Fin de la section 14, lue par Margot.